par derrière l'horizon, il y a d'autres horizons. Par derrière les illusions, il y a d'autres illusions. Par derrière tes questions, il y a d'autres questions. Par derrière ta position, il y a d'autres positions. Par devant l'océan et par derrière la mer, par-dessus le soleil et par-dessous le ciel, par ici la monnaie et par là le billet. Tu voulais t'en aller par de tous les côtés. Il y a d'autres mystères. Par derrière la vie, par devant, par derrière.